Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Radioactive. Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Pour cette émission aujourd'hui, un spécial retour sur le festival Les Courants BD qui a eu lieu à Saint-Ouen-les-Vignes les 6 et 7 juillet, donc le week-end dernier. C'était la 17e édition de ce festival et nous étions présents. Nous avons pu réaliser notamment pas mal d'interviews des auteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu. J'ai été accompagnée bien évidemment de Vincent à la technique et puis Nicolas Vado de l'association Ribambule avec qui nous avons réalisé de nombreuses interviews que je vous propose justement de découvrir là maintenant tout de suite sur le 94.7 et le 93 FM. C'est parti, retour sur le festival BD Les Courants. Radioactive, radioactive, la Touraine a trouvé sa radio. Et oui, bonjour à tous, vous êtes sur Radioactive, on est en direct sur le site de Saint-Ouen-les-Vignes, sur le 17e festival de BD Les Courants, qui aura lieu aujourd'hui, mais aussi demain, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur ce site magnifique. Il y a eu un petit peu de pluie ce matin, mais là on est tranquille, il fait beau, on est bien. Comme l'an dernier, je retrouve Nicolas Vado, bonjour Nico. Bonjour Marlène. Ça va bien? Ça va très bien, et comme tu le dis, avec le soleil, c'est encore mieux. Toujours fidèle au poste avec la Ribambule. Et oui, toujours. Depuis une dizaine d'années, nous sommes présents sur le festival de Saint-Ouen-les-Vignes, ce qui prouve bien qu'on s'y plaît. Eh ben oui, sans quoi on ne vous verrait plus. Tout à fait. Et puis bon, on a la chance d'être invités aussi chaque année. Il y a un feeling entre les organisateurs et nous. Oui, il y a un partenariat solide depuis cette décennie. Et puis avec Radioactive également. Hein. Eh ben évidemment. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler la Ribambule, c'est une asso, mais qu'est-ce qu'elle a pour but? Voilà, c'est une association et donc on gère un site internet qui parle de l'actualité BD. Donc on a une dizaine de rédacteurs qui régulièrement alimentent le site. Voilà, tous les jours on a une, deux, voire trois chroniques. Donc on arrive à couvrir plus de 500 titres à l'année. Ah ouais. Voilà. Qui sortent, voilà. Et on a de tout, hein. Franco-belge, manga, comics, jeunesse. Voilà. On couvre de manière assez large selon nos goûts, en fait. Chaque rédacteur a ses spécialités. Et puis voilà, on sert de conseils de lecture. Voilà, j'espère que c'est le retour qu'on a également. Hein. Les gens apprécient notre petite chronique pour faire leur choix en librairie. Alors finalement, le but principal, c'est de promouvoir la BD. Et c'est vraiment le pilier, l'objectif. Voilà. L'intitulé, quand on a créé l'association, hein, c'est marqué « Promouvoir la bande dessinée par tous les biais ». Donc le site internet en fait partie. Et puis voilà, on faisait de la web TV aussi à une époque. On allait à la rencontre des auteurs dans leurs ateliers. Je me souviens avoir vu ça. En effet. Voilà. Et ça se fait plus, ça? Non, ça fait c'est un peu plus compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Déjà, on est tous donc bénévoles hein, et on fait ça sur notre temps libre, la rédaction et tout ça. Donc, rajouter en plus de ça des vidéos, il y a le montage. Voilà. Donc, c'est compliqué. On ne s'interdit rien. Mais actuellement, c'est en stand-by. Voilà. Alors, c'est une affaire de passionné, Ribambule, hein, comme tu le dis, puisque c'est que du bénévolat. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as des choix, tu as des catégories de BD qui vraiment sont tes favorites? Question. Déjà, je vais trancher. Je lis très peu de mangas. Je lis quasiment pas de comics. Les seuls comics que je lisais, c'était Kick-Ass, voilà, les choses comme ça. Après, pas mal de franco-belge, mais moins Tintin. Je suis moins Tintin, voilà. Ça, c'était ma jeunesse, Tintin. Mais voilà, des titres que le grand public ne connaît pas forcément, mais je sais pas. J'ai des BD d'aviation, des BD d'aventure. Enfin, j'ai un panel assez large, malgré tout, de goût dans les BD. Et chose qui change par rapport à quand j'étais plus jeune, le dessin n'est pas forcément primordial pour moi. Ah oui, c'est plutôt le fond que la forme. Mais non, en fait, c'est un tout. Ouais. Maintenant, même si le graphisme au démarrage ne me plaît pas forcément, et j'ai appris à apprécier des bandes dessinées et apprécier un dessin, même si au premier abord, j'étais pas trop attiré. Voilà, on évolue au cours de sa vie et les goûts évoluent et voilà. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec la musique. Dans ce que tu dis, par exemple, pour les amateurs de musique, on va écouter un nouvel album. Première lecture, voilà, premier titre, pas forcément. Et puis on se laisse séduire finalement par cette empreinte particulière que va avoir ce nouvel album. Finalement, en BD, c'est un peu la même chose. Oui, oui. Pourquoi se limiter à la BD? Je pense que ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Mmh. Alors, c'est où Ribambule? C'est pas en Touraine, ça? C'est une association. Bah, après, les rédacteurs sont basés un peu partout dans la France. Oui. Voilà. C'est une association de la région Centre-Val-de-Loire, et plus précisément d'Eure-et-Loire. Mmh. Mais après, on a notre vice-président qui est sur Tours. Et puis après, bon, on est un peu partout. Quoi. Notre trésorier, il est en Mayenne. On a le vice-secrétaire qui est à Aix-en-Provence. Enfin, c'est pour vous dire que... Ah, c'est sympa quand vous faites une AG, du coup. C'est quoi, c'est tout le monde ne peut pas être présent, malheureusement. Mais on essaye de se regrouper, malgré tout, de temps en temps. On est... Certains membres, c'est plus compliqué. Hein. Voilà, la distance fait que. Hmm. Mais voilà, on est en contact de toute façon quotidiennement via les réseaux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais après, d'être à distance, ça n'empêche pas que voilà, ça se passe très bien. La preuve, hein, nous, la Ribambule, depuis 2014, en fait, hein, on est connu depuis 2014 sous le nom de la Ribambule et ça se passe très bien. Il y a des gens qui sont là dans l'équipe depuis les débuts et qu'on ne voit pas forcément très souvent, mais voilà, y a un très bon contact. Hein. Donc là, aujourd'hui, il y a un stand Ribambule sur ce festival BD à Saint-Ouen-les-Vignes. Qu'est-ce que tu y proposes avec ton acolyte qui est là? Et puis, je crois qu'il y a aussi un petit garçon que tu connais bien qui est là aussi sur ce stand. Et oui, il y a mon petit garçon qui est là, qui vient aider. Mmh. Voilà, il est très content d'être là. Ah bah, puis, tu es dans la transmission, donc c'est parfait. Voilà. Bah, sur le festival, en fait, on fait la promotion de notre site internet via des flyers. Voilà. On est là pour discuter de ce qu'on propose sur le site internet. Et puis après, sur le site internet, on a aussi une petite boutique associative. Donc, on vend à distance via la boutique sur le site internet. Et puis, sur le festival, eh ben, ça fait un petit moment qu'on n'a rien sorti, mais on travaille malgré tout régulièrement avec des auteurs de bande dessinée. On propose des timbres, des vrais timbres hein, qu'on peut utiliser, des ex-libristes, des cartes postales, des portfolios. Voilà, il y a tout un panel de produits BD. Voilà, notamment des auteurs présents cette année, présents les autres années. Oui, les autres années, oui. Cette année, je ne crois pas. D'accord. Je crois pas. Enfin, on a déjà travaillé avec Philippe Larbier, mais je crois qu'on n'a plus rien de lui. Voilà. On avait fait un timbre justement par rapport au petit mytho. Je crois qu'on ne l'a plus en stock. Voilà. Mais oui, régulièrement sur les festivals, on en fait quelques-uns des festivals, hein, dont celui de Saint-Ouen-les-Vignes. On voit des auteurs et c'est vrai que c'est l'occasion de créer des contacts. Et de nouer des partenariats voilà, éventuellement, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rappelait Claude Verne, bénévole investi, hein, Festival des Courants depuis sa création, que des coopérations sont nées sur ce festival, entre auteurs notamment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette dont on peut se féliciter. Ça ne m'étonne pas. En fait, le métier d'auteur de BD, c'est assez... voilà, ils travaillent sur la table à dessin chez eux. C'est assez solitaire comme métier. Et quand ils se retrouvent entre auteurs sur un festival, ils sont super contents d'être présents, je pense, de se retrouver sur les festivals et certains de se découvrir et de se proposer aussi des projets. Donc c'est plutôt chouette ça. Parce que outre le fait de rencontrer son lectorat, c'est aussi de rencontrer les collègues. Et je pense que ça compte énormément pour leur présence également sur les festivals. Parce qu'il faut le rappeler, hein, ici, ils ne sont pas payés. Hein. Ils sont invités par le festival, voilà, ils sont accueillis, tout ça. Mais l'éditeur ne les paye pas pour venir dessiner. C'est un dessin qui est offert aux lecteurs. Ils ne sont pas forcés de venir. Après, on peut dire, oui, c'est la promo, tout ça, oui. Même si, à la base, c'est un peu le travail de l'éditeur de faire le titre qu'il imprime, qu'il sorte. Donc voilà, tout ça pour dire que les auteurs, je pense, prennent plaisir à se retrouver sur les festivals. Et je pense pouvoir dire également que sur les courants BD, il y a une ambiance qui est liée au cadre aussi, je pense, qui est assez, assez singulière ici. Il y a quelque chose de très champêtre, de très nature, qui amène à la sympathie, à la collaboration, en tous les cas. Ben, on est sur une presqu'île, voilà. C'est très vert. On est entre deux cours d'eau, du coup. C'est champêtre, il y a une bonne ambiance. Il y a le soleil, il y a un peu de vent, là, mais bon, ça reste très agréable. On ne peut pas mettre encore trop le short, mais peut-être que demain, voilà, moi j'ai prévu. Hein. Ouais. Dans tous les cas, j'ai prévu, au cas où. donc voilà, non, c'est, le cadre est magnifique chaque année. C'est une des raisons pour lesquelles le festival est apprécié également. Hein. Ouais, je pense que ce ne serait pas forcément la même atmosphère dans un lieu qui ne serait pas celui-ci. Comme un gymnase. Il y a beaucoup de festivals qui se passent dans les gymnases, des choses comme ça. C'est plus froid, on va dire. C'est moins... Après, voilà, et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des très bons festivals dans des gymnases, mais déjà à l'extérieur, bon, c'est un peu risqué avec les conditions climatiques, mais c'est quelque chose, quand la météo est là, c'est quelque chose qui est super agréable. Eh ben merci Nicolas. Où est-ce qu'on peut retrouver le site internet de Ribambule? On tape quoi sur notre moteur de recherche? Alors, on tape sur le moteur de recherche la Ribambule. Hein. Sinon, pour l'adresse précise, c'est le -6 ribambule.com. Très bien. Et si vous nous écoutez dans votre voiture, dans votre salon, dans votre salle de bain et que vous avez envie de venir faire un petit tour sur le Festival BD à Saint-Ouen-les-Vignes et que vous vous dites « Tiens, j'irai bien voir le stand de Ribambule parce que ça m'intéresse », vous n'aurez pas de mal à le retrouver. Il est en vert, il a un sweat capuche vert estampillé la Ribambule. À côté de la scène musicale. Voilà. N'hésitez pas à venir le saluer, lui et son collègue. C'est comment le collègue et le petit gars ? Arnaud, qui est trésorier de l'association et rédacteur en chef du site internet, et le petit Raphaël. Et le petit Raphaël. Eh ben, très bien, merci Nicolas. On va redonner la parole à Vincent un instant, qui nous a préparé une playlist. Vincent, il s'est attelé à ça, une playlist avec des musiques de films. Tout à fait. Parce que des musiques de BD, c'est pas forcément très évident. Hein, Mais des musiques de films adaptées de livres, BD, comics, mangas, etc., ça par contre, c'est plus facile. Tu nous as mis du Mika ou pas ? Kick-Ass. Oui, c'est vrai. J'y ai pensé une fois que tu l'as dit, je me suis dit, c'est vrai que Kick-Ass, c'est, à la base, c'est un comics. Mais il y en a un autre, là, que je vais vous proposer. Super, et puis juste après, pendant que tu cherches ton titre, on peut dire qu'on retrouvera Laurent Astier, qui nous parlera notamment de l'Avenin. Tout à fait. Et on va partir sur un film, cette fois-ci américano-germano-britannique. Wow. C'est l'adaptation d'une bande dessinée, enfin un roman graphique, V pour Vendetta, réalisé de 82 à 90 par Alan Moore et David Lloyd. Donc un petit synopsis, comme d'habitude, dans les années 80, une guerre mondiale éclate. L'Europe, l'Afrique et les États-Unis d'Amérique sont réduites en cendres par des armes nucléaires. Le Royaume-Uni est épargné par les bombardements, mais pas par le chaos et les inondations issues de dérèglements climatiques. Dans cette société anglaise post-apo, en partie fasciste, Northfire, prend en main le pouvoir et tente de rétablir le pays après avoir procédé à une épuration éthique, politique et sociale sans pitié. En 97, au moment où le parti semble avoir la situation sous contrôle, un anarchiste commence une campagne pour ébranler tous les symboles de pouvoir. Cet anarchiste, qui se fait appeler V, porte un masque représentant le visage de Guy Fawkes, le plus célèbre membre de la conspiration des poudres, qui, pour la petite anecdote, est une vraie tentative d'attentat qui visait à faire sauter la Chambre des représentants, si je dis pas de bêtises, en Angleterre. Et lors de sa première action d'éclat, le dynamitage du palais de Westminster, V sauve Ivy, une jeune fille de 16 ans qui risquait d'être violée, puis exécutée pour prostitution. Bref, de la grosse joie. Et cette fois-ci, on va écouter le thème de Ivy Reborn de Dario Marianne. C'est parti. Allons-y. Thank you. sommes à l'antenne. Et oui, c'est du direct, hein, c'est comme ça. Nous sommes un peu en freelance. Nous avons récupéré avec nous, on l'a arraché à son stand parce que c'est la queue depuis tout à l'heure pour réussir à le voir. C'est compliqué parce que voilà, il est victime de son succès. C'est Laurent Astier. Bonjour Laurent. Bonjour. Eh oui, comme le disait Nicolas à l'instant hors antenne, parce que vous ne pouvez pas tout entendre, chers auditeurs, évidemment, vous n'êtes pas forcément à confidence, mais voilà, Nicolas le disait, il a fait un choix cornélien cette année de pouvoir trier parmi tous ses invités prestigieux, fabuleux, voilà, des invités à interviewer, et ce choix s'est tourné vers Laurent. Oui, Laurent, c'est un auteur que j'apprécie, que je connais depuis un certain nombre d'années. Et puis bah, voilà, c'était l'occasion, on n'a jamais fait de radio ensemble. Donc, oui, voilà, c'est vrai, ouais. C'était l'occasion. Donc voilà, Laurent, j'ai envie de dire, tu as un touche-à-tout en bande dessinée, tu as touché à plusieurs styles, le fantastique, le polar, politique également, ouais. Et puis bah, le western depuis 2019 avec L'Avenant. Exactement, ouais. Oui, c'est vrai que bah, en 20 ans de carrière, j'ai eu le temps un peu d'explorer pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de polar quand même L'Affaire des Affaires, qui a un côté journalistique, puisque c'est une enquête menée au départ par Denis Robert, que j'ai bien teinté de polar. Je pense que j'ai passé quand même bien une quinzaine d'années à explorer les différentes voies du polar jusqu'à arriver un peu à son paroxysme avec Face au mur, que j'ai co-scénarisé avec un ex-braqueur multirécidiviste que j'avais croisé lors d'un atelier à la maison centrale de Saint-Maur à côté de Châteauroux. Ah ouais, génial. Voilà, et on a fait un diptyque ensemble. Moi j'ai utilisé en fait sa matière de vie pour écrire un polar assez réaliste. Voilà. Et puis ensuite, je pense que l'univers carcéral, parce qu'on a passé pas mal de temps, en fait, moi je l'ai suivi parce qu'au départ il était incarcéré, donc il fallait que j'aille le voir en parloir en maison centrale pendant 2 ans et demi. Je pense que j'ai fait pas mal d'allers-retours pour continuer un peu le dialogue avec lui et avoir des infos. Et je pense que ça s'est étalé. Moi, je l'ai rencontré en fait, ça devait être début 2011. Et le deuxième album est sorti en 2017. Ah voilà, oui. Donc il s'est passé quelques années. Voilà. Et je pense qu'après ça, une fois après avoir travaillé en fait, pendant pas mal de temps sur l'univers carcéral et l'enfermement, je pense que j'ai eu envie de faire du western. Je pense que, alors déjà, c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de faire du western depuis que je suis tout môme. Je pense que mes premières bandes dessinées, quand j'avais 8-9 ans, c'était déjà du western. Après, j'ai mis très longtemps, après avoir découvert Blueberry ou d'autres grandes séries dessinées par tous les grands maîtres de la bande dessinée. Je pense que j'ai un peu repoussé cette idée en me disant que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau. Enfin, de toute manière, même aujourd'hui, je sais que je n'atteindrai jamais ce niveau. Mais en tout cas, je me suis lancé. C'est un genre en plus qui est revenu à la mode, entre guillemets, la mode. Parce que c'était, y avait quasiment plus de western, à part les Blueberry, il n'y avait quasiment plus rien qui sortait. Ouais. En fait, la mode a été recréée par l'énorme succès d'Undertaker. C'est ça qui a recréé la mode, c'est-à-dire que quand tous les éditeurs ont vu le nombre de ventes que faisait Undertaker, tout le monde a voulu avoir son western à nouveau dans les catalogues, quoi. Voilà. Un peu comme pour l'aviation avec Romain Hugo quand il a explosé. Oui, de toute manière, en général, quand il y a un gros succès comme ça, je pense que tout le monde a envie de réitérer le succès, donc ça permet de faire renaître certains genres qui étaient soi-disant morts quelques années auparavant. Et tu disais que c'était une envie de longue date de faire du western. Et est-ce que c'était ça t'est venu immédiatement l'idée de bah, que ce soit une héroïne qui soit qui évolue dans ce monde de brut? Ouais, bah en fait, moi, les trois quarts de mes projets naissent toujours d'un bout de croquis, un bout de dessin posé quelque part. Et en fait, j'avais fait une sorte de dessin hommage au personnage de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest, qui m'a servi un peu de ferment en fait à créer le personnage d'Emily. Et dessin que j'ai fait, je crois, en 2012, donc largement avant le succès d'Undertaker, je crois. Et puis j'ai laissé cette envie un peu de côté. J'ai laissé surtout mûrir le personnage, parce que j'aime bien faire ça, en fait, avoir des personnages un peu qui vont grandir petit à petit dans un coin de ma tête. Et après, je commence à faire des recherches en fait, historiques, pour la placer dans un contexte particulier. et venir nourrir en fait, et en même temps nourrir le personnage et en même temps développer sa personnalité, son background, voilà. Donc j'aime bien avoir ce temps-là en fait pour pouvoir nourrir mes histoires. Donc ça a pris un peu de temps, mais j'aime bien avoir des personnages un peu épais dont je vais raconter l'histoire, quoi. J'attends qu'ils me chuchotent un peu à l'oreille là, tout ce qui leur est arrivé. Un personnage féminin fort comme Cellule Poison. Oui, bah d'ailleurs c'est assez drôle, il y a vachement de correspondance en fait entre les deux séries, même si en termes de thématique et tout ça, mais en tout cas les deux personnages sont assez proches en termes de réactivité et de caractère. Et d'ailleurs, souvent j'ai dit que j'utilisais, j'ai pas mal de personnages comme ça un peu récurrents, un peu comme un réalisateur en fait qui réutiliserait ses acteurs fétiches. J'aime bien venir repiocher en fait dans ma galerie de personnages et leur donner des rôles alors parfois similaires et des fois diamétralement opposés, comme s'ils se glissaient en fait dans un nouveau rôle et qui devaient jouer un nouveau caractère, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as été surpris par le succès qui a été quasi immédiat quand même pour l'avenant ? Alors après, on est sur quand même un genre assez balisé. On sait quand même que le western est assez populaire en France. Merci le plan Marshall et merci les Américains en 1946 qui sont venus signer des gros contrats pour nous obliger, nous Français, à avoir plus de 50% de films américains dans nos salles et donc de nous imbiber à la culture américaine. Donc je pense qu'en France et en Europe, en fait, en tout cas les grands espaces, c'est un truc qu'on a inscrit dans notre ADN, en fait, grâce au cinéma, à la littérature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'auteurs, même de ma génération, même des générations nouvelles, qui font encore du western, en fait. Je trouve ça assez drôle, quoi. Et puis en même temps, dans ce genre dans des genres assez balisés comme le polar ou le western, c'est-à-dire qu'on a une sorte de base, en fait, connue par tous. Et après, il y a un terrain de jeu infini, en fait, à l'intérieur. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, en fait, c'est que justement, le fait déjà de prendre cet angle-là du personnage féminin d'Emily, ça permet déjà d'avoir un autre point de vue, en fait, sur la période et de traiter des thématiques un peu nouvelles et en même temps, de faire aussi des rapprochements avec notre époque pour savoir qu'est-ce qui a réellement évolué et quelles sont les choses qui sont restées figées dans le marbre, en fait, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce que en fait, le genre permet juste de mettre un miroir face à nos sociétés modernes, quoi. Enfin, voilà, ça sert aussi à ça, quoi. Le polar sert qu'à ça, en fait. C'est une sorte d'analyse sociale de la période, quoi. Et je pense qu'avec le western et avec tous les genres très balisés, on fait que ça, quoi. Voilà. Et les Ricains l'ont fait aussi à l'époque du macartisme. Ils sont servis du western pour dénoncer la chasse aux sorcières. Voilà, c'est-à-dire que les genres sont toujours détournés. Et il y a des sens cachés, toujours. Voilà, il y a toujours un aspect politique, social. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le travail d'auteur. C'est qu'on est aussi, des éponges de notre époque et qu'on doit aussi analyser et critiquer des choses, quoi, surtout ces temps un peu troublés. Alors, juste pour rappel, pour revenir à l'Avenant, donc c'est une série éditée par les éditions Rue de Sèvres. Le tome 5, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, conclut la série. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le regard que tu portes sur cette série aujourd'hui, maintenant que tu sais que voilà, c'est terminé, quoi. Bah, en fait, c'est surtout qu'elle n'est pas tout à fait vraiment terminée. Voilà. En fait, au départ, j'avais imaginé cette histoire complète découpée en 5 tomes. Et je voulais qu'elle ait une vraie fin et que ne pas y revenir dessus. Et puis, c'est vrai qu'en travaillant sur les albums, surtout arrivé en fait, fin du tome 4 et puis surtout le long cours du tome 5, je pense qu'il y a des envies qui sont un peu nées. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de prolonger. Et puis, en même temps, il y a aussi la suite de l'histoire américaine après 1901, 1902, enfin, toute la suite, où il y a des choses aussi vachement intéressantes à explorer. Et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer l'aventure ? Alors après, j'ai proposé l'idée là à Rue de Sèvres il n'y a pas très longtemps. Il n'y a rien d'écrit, enfin, il n'y a rien de figé dans le marbre non plus encore tout de suite. Mais en tout cas, il y a des envies, quoi. Voilà. Donc ça serait quoi? Ça serait pour partir sur un one-shot ou un nouveau cycle de plusieurs tomes? Je pense que j'aimerais bien travailler sur des cycles assez courts, en fait, de deux tomes. Comme Undertaker. Ouais, exactement. Ouais, je copie la cuisine de Xavier. Après, il y en a plein d'autres. Ouais, mais ce que je trouve intéressant, en fait, justement, dans le fait de faire des diptyques avec une pseudo-fin, en fait, ça reste quand même des diptyques qui auront des fins ouvertes, puisque chaque cycle aura des correspondances. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, en tant qu'auteur, j'aurai aussi la facilité de pouvoir travailler sur d'autres projets. Et parce que j'ai vu, en fait, sur l'Avenin, quand on travaille sur une série de 5 tomes, on sait foncièrement qu'il faut quand même livrer un album par an pour que le public continue à suivre et décroche pas, en fait. Donc il y a une obligation, il y a une sorte d'obligation, en fait, d'avoir un certain rythme. Et moi, j'avais envie aussi de créer une sorte de rendez-vous. En fait, en ayant publié, par exemple, le premier tome de l'Avenin en janvier, je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de tous les ans d'avoir une sorte de période de rencontre où on retrouve le lectorat et on lui dit, bah voilà, tous les ans, vous aurez votre nouvel album, quoi. Sauf que ça oblige d'avoir un certain rythme et de pas décrocher de la série et de pas pouvoir travailler sur de nouveaux albums ou des petits projets, où on peut le faire, hein, sur des projets très courts, sur des 6-8 pages, mais on peut pas lancer un deuxième album, enfin un autre projet, en tout cas, en parallèle. Je l'ai tenté et ça n'a rien donné. Ouais. Justement, j'ai cru lire que tu allais travailler sur un roman graphique. Là, c'est en cours. Est-ce que tu peux nous en parler? Là, je viens d'atteindre la moitié des pages. Donc, c'est un album qui fera, je crois, 230 pages, qui est un récit très, très personnel, en fait, que je tente de faire depuis 10 ans. Enfin, en tout cas, il m'aura fallu 10 ans pour arriver à l'écrire. C'est un sujet, en fait, c'est une histoire d'amitié, parce qu'il y a un de mes meilleurs amis qui est tombé gravement malade et qui s'est battu pendant pas mal d'années contre la maladie avant de succomber. Donc ça revient là-dessus et en fait, quand on le dit comme ça, ça a l'air assez triste. Mais oui, ça l'est. Mais en même temps, j'essaie d'en tirer un récit assez lumineux et de voir aussi ce que chacun a apporté à l'autre et comment on a grandi ensemble, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est ça le plus important. Et puis je pense que ça fait écho, en tout cas, j'en ai parlé à pas mal de gens, et tout le monde a quelqu'un de très proche, en fait, qui a eu ce type de problème ou ce type de maladie. Et donc je pense que j'espère que ça va servir à moi, en tout cas, comme catharsis. Et j'espère que ça servira à d'autres. Voilà. Et donc, ce sera chez quel éditeur? Toujours chez Rue de Sèvres. Je pense que j'ai envie de rester fidèle. De date? Normalement, ça devrait paraître, je pense, en avril ou mai de l'année prochaine. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, merci, Laurent. On va te rendre à tes lecteurs. Ils t'attendent impatiemment, je pense. Merci à vous, en tout cas. Ouais, on l'a arraché, effectivement, à la file. je leur ai promis qu'on leur rendait très rapidement. J'y retourne. C'est quoi l'ambiance, Laurent, sur ce festival Les Courants BD à Saint-Ouen? Bah, ça se passe très, très bien. En fait, moi, j'aime bien justement cette ambiance de petit festival parce qu'on a le temps de discuter. Il n'y a pas de pression, même si là, il y a pas mal de monde dans la file. En tout cas, il n'y a personne qui râle et qui dit « Ah, mais il passe vachement de temps avec celui-là à discuter. » Voilà. Donc, il n'y a pas du tout de pression. Et puis, voilà, on peut s'installer, discuter. En même temps, je fais une petite dédicace. Donc, c'est vraiment des petits moments partagés qui sont assez sympas, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci. Laurent Astier, qui fait partie des 28 auteurs BD qui sont présents sur ce festival BD Les Courants à Saint-Ouen-les-Vignes, que vous pouvez venir découvrir jusqu'à 18h30, 19h ce soir. Et puis encore ensuite, après, éventuellement, vous pouvez dîner sur place, vous pouvez profiter des concerts tout à l'heure à 17h30. Notamment, nous aurons le groupe Shanks qui va se produire sur la scène. C'est Dill Funk Soul, hein, qu'on peut d'ailleurs peut-être, Vincent, découvrir. Hein. Dis-moi, je crois que dans notre petite playlist, nous avions prévu un morceau de Shanks. Alors, tout à fait, c'est possible. Parfait, eh bien écoutons, voilà ce qui vous attend à 17h30 si vous êtes curieux, que vous aimez la musique et que vous avez envie de sortir parce qu'il fait beau. Radioactive, radioactive. La Touraine a trouvé sa radio. Eh oui, on est déjà revenu. On est revenu plus vite qu'on est parti, dis donc. Hein. On t'a pris de court là, Vincent. Je m'y attendais pas. Voilà, t'avais prévu de mettre quelque chose à nos auditeurs. Possiblement. Eh oui, que tu avais déjà annoncé peut-être. Oui. Ah, alors c'est. On va peut-être éviter la frustration. Il dure combien de temps ton morceau, Vincent ? Je sais pas. C'est pour ça. Il me semble qu'il est relativement long. Il dure 4-5 minutes. Donc on va peut-être d'abord interviewer. Bon, vous nous en voudrez pas, et je suppose que non, évidemment, puisque l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de vous proposer un direct depuis le festival BD Les Courants, 17e édition, aujourd'hui et demain, donc 6 et 7 juillet, sur l'île de Saint-Ouen-les-Vignes. Évidemment, donc on va se le garder sous le coude, ce morceau, Vincent, si tu veux bien. Tout à fait, ça passera ensuite. Voilà, et puis on va retrouver notre nouvelle invitée. Donc il y a quelques instants, nous étions avec Laurent Astier, on a pu évoquer notamment l'Avenin, évidemment, avec lui assez largement. Nicolas, nous sommes maintenant en compagnie de Loïc Chevalier. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour à tous. Et oui, Loïc Chevalier qui est un régional d'étape, puisque... Il fait partie de l'atelier pop de Tours. Voilà, c'est ça, depuis quelques années maintenant. Ouais, ça va faire peut-être presque 7 ans maintenant. Et voilà, donc je suis de l'équipe et un des dessinateurs de l'atelier. Alors, tu as débuté en bande dessinée avec de la BD jeunesse, si je ne dis pas de bêtises, avec Kenji le Ninja. C'est ça, voilà, c'était, bah ouais, ça fait longtemps maintenant, c'était en 2010. Moi, j'ai commencé à dessiner l'album en 2010, il est sorti en 2011. Et donc, c'était une série jeunesse où là, j'étais dessinateur et coloriste de la série. Et c'était avec un design qui ressemblait à du manga. Voilà. C'était on appelle ça un peu du manphrase, voilà, c'est une manga à la française, donc avec une pagination et une présentation comme un album classique franco-belge, mais avec voilà, un petit style manga. Après, tu as fait coloriste aussi sur d'autres séries. C'est ça. Après Kenji, j'ai fait trois tomes en tant que coloriste sur La Quête des Willan et trois tomes, alors dans la même série, dans le même auteur, sur Elana. Voilà, donc c'est de la fantasy avec de la magie, voilà, les pouvoirs magiques. On restait un petit peu avec dans le même esprit que Kenji le Ninja, parce qu'il y avait aussi de la magie, mais avec un univers forcément totalement différent. Je peux me permettre une question très, très bête et naïve, mais coloriste, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs qui ne sont pas forcément très en BD, c'est quoi d'être coloriste ? Alors c'est vrai que quand on pense à auteur de bande dessinée, on pense à l'auteur complet, c'est-à-dire celui qui invente les histoires, celui qui dessine et celui qui met en couleur. Donc et effectivement dans la bande dessinée, de plus en plus les métiers se sont un peu séparés. Ce métier d'auteur de bande dessinée s'est divisé, notamment aussi pour un gain de temps et puis pas parce qu'on n'est pas aussi forcément, on peut être doué en dessin ou doué à raconter une histoire, mais pas forcément doué à la mise en couleur, par exemple. D'accord. Et donc voilà, ce travail d'artiste, de coloriste, voilà, il y a quelque chose un métier à part entière. D'accord, je ne suis pas sûre que tout le monde le savait, ça, que, encore une fois, quand on n'est pas forcément super calé en BD, mais voilà, le bouquin il sort, ce n'est pas forcément la même personne qui a tout fait de A à Z. Tu sais ce qu'on dit ? Non. Il n'y a pas de questions bêtes. Eh bien justement, alors attendez-vous à ce que j'en pose plein alors. Aujourd'hui, tu travailles sur la série Liberté. C'est En tant que co-dessinateur avec Étienne Leroux. Ouais. Et donc co-dessinateur, c'est pareil aussi. C'est un métier aussi particulier comme coloriste. Il y en a un qui fait la tête, l'autre le corps. Il me semble que Loïc fait les décors. Voilà, je fais les décors et donc Étienne Leroux, le dessineur principal, fait les personnages, fait la mise en place et pose les décors, mais de façon un peu plus lâchée, c'est-à-dire en crayonné. Et moi, je reprends ces crayonnés et avec de la documentation, je les reprécise. Et voilà, donc comme c'est une liberté, c'est une série historique sur la Révolution américaine. Donc voilà, 1776. Et donc voilà, c'est le métier de décoriste comme métier de coloriste, c'est aussi pour gagner du temps et pour que chacun puisse avoir suffisamment de temps pour faire au mieux en fait ce qu'il a à faire. Et effectivement, décoriste, voilà, on peut dire que c'est aussi un métier à plein temps, même si Étienne aurait pu tout à fait le faire. Mais voilà, c'est le temps en fait, de recherche de documentation, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et voilà. Et c'est super intéressant, ça, je trouve aussi. Sûr. Parce que du coup, il faut avoir une super confiance l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pilote plus, qui dit « moi, c'est ça ce que je veux comme décor derrière et puis toi, tu réponds à la commande ou bien tu proposes toi ton univers ». Ça se combine bien, quoi, en fait. Ça se combine bien aussi, c'est parce que Étienne Leroux est déjà un auteur assez confirmé. Voilà, surtout comparé à moi, il a énormément d'albums derrière lui, donc il sait comment faire. Il sait placer les personnages, les angles de vue, voilà, tout ce travail-là, en fait, lui, il le fait déjà. Il sait comment le faire, et donc. Et moi, en fait, je suis un peu, entre guillemets, l'élève. J'ai déjà été l'élève quand j'étais à l'école Brassard, l'élève d'Étienne Leroux. Donc voilà, on a déjà ce rapport qui est déjà là. Maintenant, on est en copains. Hein. Mais voilà, donc il y a déjà lui qui a déjà une base, en fait, déjà très solide. Et moi, en fait, voilà, je viens après pour faire ça et on s'entend très bien comme ça, quoi. Ça n'a pas un côté frustrant malgré tout de ne pas pouvoir dessiner des personnages, d'être limité au décor? C'est vrai que c'est aussi particulier. C'est que, après, moi, je suis assez content parce que ça m'amène aussi pas mal de travail. Dans la bande dessinée, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de faire. Voilà, ça fait maintenant 14 ans que je fais de la bande dessinée. Et des fois, ce n'est vraiment pas évident d'aller jusqu'à là. Donc moi, ça me permet d'avoir un certain confort. Mais effectivement, voilà, moi, je aussi... alors, ce que je suis content aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, c'était que j'ai commencé à faire un album en étant le dessinateur complet, donc j'ai pas cette frustration là, ce manque là déjà, mais effectivement voilà, par nature on a toujours envie de créer son propre univers et tout ça, et c'est vrai que quand j'ai un peu le temps, et c'est vrai qu'on a très peu le temps, mais quand j'ai un peu le temps, ouais, j'essaye de travailler sur des projets personnels que je pourrais après faire naître complètement. Parce que là, en plus, Liberté, c'est une série en trois tomes. Donc, pendant trois tomes, pas de personnages, quoi. C'est que du décor. C'est ça. Et puis, il faut aussi savoir qu'en parallèle de Liberté, je fais une série qui s'appelle Les Frères Rubinstein. Et là, c'est une série sur 10 tomes. On vient de finir le sixième tome. Donc voilà, pendant au moins 2-3 ans, je serai encore sur du décor. Et on a encore aussi le projet de continuer à faire une autre série, à continuer à travailler ensemble, Étienne et moi. Donc voilà, je ne suis pas prêt encore de lâcher, même si voilà, j'essaye, dès que j'ai un peu de temps, de monter des projets. Parce que c'est vrai que dans la bande dessinée, il faut se dire que c'est un métier qui n'est pas vraiment... très stable. Alors des fois, ouais. on trouve une stabilité, notamment moi avec Étienne, mais c'est vrai que des fois, avec les circonstances font que on peut avoir des coupures, des moments de sans travail. Et voilà, donc toujours prévoir un petit peu la suite, c'est toujours bien, quoi. Et vu que vous partagez le travail, donc sur, on imagine pas le dessin justement à deux. Ouais. Combien de temps pour faire un album ? Alors nous, on travaille sur une pagination de 70 pages. On va un peu réduire maintenant avec les frères Rubinstein, mais donc on met à peu près, moi personnellement, je mets à peu près 7 mois, c'est-à-dire 10 pages par mois pour le décor. Et Étienne, wow. Voilà, on se suit de pas très loin, on fait à peu près 7 mois pour travailler. C'est en numérique, du coup, j'imagine. Alors, c'est les deux. C'est vrai que Étienne travaille plus en numérique maintenant. Elle avait commencé à faire sur. Elle travaille toujours. Il y a une base toujours de dessin sur papier pour faire le storyboard. Et puis après, passe rapidement après sur du numérique. Et moi, quand je reprends ces pages, je travaille encore sur du papier. Mais il y a toujours une phase au final de finalisation, de correction qui se fait au numérique avec une tablette graphique. Ouais, parce qu'on imagine que quand c'est sur papier, passer de main en main pour travailler sur les planches, ça ne doit pas être super simple. Alors déjà, comme lui, en fait, Étienne m'envoie un fichier numérique. Donc moi, je vais comment dire, diviser la planche en trois, en strip. Mmh. Et donc, je vais... alors voilà, c'est un peu technique, une petite bidouille qu'on a entre nous. Et je reprends chaque partie des planches, je les agrandis. Et par-dessus, je vais remettre une feuille layout et je vais recopier un petit peu ce qu'il a dessiné et rajouter mon décor, le décor final en papier. Et une fois que j'ai ça, il y a une phase de numérisation. Et sur la planche numérique, je corrige les petites choses, les imperfections. Et je renvoie ça à Étienne, qui Étienne va mettre toutes les ombres, les aplats noirs en fait, sur les personnages et sur mes décors à moi. D'accord. Okay. C'est impressionnant. C'est non, mais c'est ça. Ça mériterait d'être filmé pour qu'on voit vraiment. Mais oui, en accéléré après, tu vois le truc, le processus en accéléré. Et à quand l'IA pour colorer Non, ça on oublie. Bah oui. Interdit de parler de l'IA. Oh, il y a pas forcément de sujet tabou, mais effectivement, on suit ça un petit peu. À la fois comment dire curieux parce que c'est quand même quelque chose de très particulier et puis oui, il y a peut-être une sorte d'inquiétude, on va dire, parce que ça avance très très vite. Et c'est vrai que certains métiers vont changer, alors peut-être aussi le nôtre. Il avait déjà changé en fait dans les années 90 quand est apparu les logiciels de Photoshop par exemple. Ouais. Voilà, où le métier de dessinateur et de coloriste est devenu de plus en plus numérique. Maintenant la plupart des coloristes utilisent le Photoshop ou des logiciels apparentés. Donc voilà, ça a changé, on a su s'adapter et voilà, profiter au mieux. Mais effectivement voilà, l'IA apporte énormément de choses, voilà, il va falloir se réinterroger sur notre métier ou effectivement choisir de ne pas faire du tout d'IA et puis voilà. Ce qui est peut-être mieux. Traditionnel. Ce qui peut être mieux aussi, tout à fait. Moi, en tout cas, je ressens que j'ai toujours besoin de dessiner. Et moi aussi, c'est aussi notre métier, c'est la base de notre métier. Donc voilà, après, je pense que le métier de dessinateur, entre guillemets, d'IA, voilà, c'est complètement autre chose, quoi. Après, c'est vrai que les logiciels vont de plus en plus aussi utiliser l'IA, mais pour rendre certaines choses un peu plus simples, et ça commence déjà, enfin, même dans Photoshop déjà l'IA est déjà présente, voilà, même pour le dessinateur, le coloriste. Mais voilà, là ce qu'on voit en ce moment, c'est supplanter le métier de dessinateur, d'artiste, hein, voilà, l'acte de dessiner n'est quasiment plus là, quoi. Donc c'est aussi effectivement c'est quelque chose de différent. Eh oui, hein. ça en pose un tas de questions, tout bien ça sûr. Hein. Ouais. Tu parlais de tes projets actuels. T'as un attrait particulier pour les BD historiques, du coup ? C'est vrai que quand j'ai commencé ça, c'était vraiment je ne recherchais pas forcément à travailler là-dessus. Je sais que quand Étienne, quand j'ai fait une année de spécialisation à Brassard, bon, ça fait déjà pas mal de temps, il y avait un petit peu une petite année où on s'est arrêté à ce moment-là, après mon année, où on faisait du dessin, on faisait de la bande dessinée, et Étienne était prof de décor justement, et donc il a vu que j'avais un intérêt sur le dessin réaliste et notamment en décor. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et je me rappelle plus votre question précise. L'attrait sur l'histoire. Les BD historiques. Voilà. Et en fait, quand on a commencé là-dessus, l'attrait est venu un petit peu de lui-même. Moi, j'avais une sensibilité pas forcément l'historien, mais j'étais un peu curieux de toute cette époque-là, les guerres contemporaines. Et là, vraiment, quand j'ai dû me plonger dedans, ça m'a pris assez rapidement. Et surtout aussi le fait de rechercher la documentation. C'est quelque chose qui est vraiment assez laborieux, assez, pas forcément foufou, quoi, quand on est intéressant, quand on est artiste. Mais voilà, je me suis pris au jeu à ça, d'essayer de faire le moins d'anachronismes possible, de comprendre un petit peu l'époque. Et c'est vrai que quand on rentre dans une époque très particulière, quand on est dans un milieu très particulier, militaire notamment, il y a des codes, il y a énormément de choses à comprendre. Et voilà, et je me suis pris un petit peu au jeu. Et le fait aussi que je sois simplement décoriste, ça m'a laissé du temps aussi pour faire ça. Si j'avais été dessinateur complet, ça aurait été peut-être un peu plus chaud pour s'immerger totalement dedans, quoi. D'accord. Liberté, du coup, ouais. Deux tomes de paru actuellement. Le troisième est prévu pour quand ? On va commencer à le travailler. Le troisième et dernier. On va commencer à le travailler. Dès qu'on se sera laissé un petit peu une petite période de vacances, pourquoi pas. parce qu'on sort quand même de 7 mois de travail. Très très rapidement, on va se replonger dans la révolution américaine. Donc ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Eh bien, merci Loïc. Merci à vous. Merci Loïc. Moi j'ai encore envie de poser cette même question, mais c'est quoi ton retour sur l'ambiance de ce festival à Saint-Ouen-les-Vignes spécifiquement ? Bon, moi ce que j'aime bien c'est que y a le côté campagne, c'est un peu à la cool, c'est familial. Alors c'est vrai que c'est bien quand il y a des festivals, des gros festivals, mais des fois d'avoir des moments de pause comme ça et puis de pouvoir avoir le temps de parler avec les gens et puis de profiter, en plus il y a le climat et avec nous. C'est vraiment une petite pause comme ça, et puis surtout quand on sort de 6-7 mois de travail non-stop dans notre bulle, d'avoir cette petite parenthèse d'air, quoi, d'aération, c'est toujours bien, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, en fait c'est aussi l'occasion, les festivals, parce que les auteurs, vous êtes sur votre table à dessin, vous voyez pas forcément vous, c'est l'occasion aussi de se retrouver entre collègues. Bien sûr, voilà, tout à fait, des gens qui sont pas forcément très éloignés de nous, mais qu'on voit pas parce qu'on est chacun dans notre bulle, quoi. Et donc de pouvoir continuer à échanger et puis de voir aussi d'autres personnes, quoi, qui sont dans d'autres régions, quoi. C'est aussi ça l'intérêt. Et encore, toi tu fais partie d'un atelier, donc tu vois du monde malgré tout. Exactement, c'est ça. Donc je travaille beaucoup chez moi, mais je travaille aussi à l'atelier, ce qui me permet de décrocher un petit peu, ou au moins de changer un peu d'ambiance et de s'aérer. Et ça c'est vraiment très important, notamment quand on est dans un métier aussi assez cérébral comme auteur de bande dessinée. Et oui, et de la bande dessinée et de la musique, hein, qu'on entend en fond, hein, c'est indirect, hein, donc vous pouvez constater qu'il y a les balances qui se font juste derrière, puisque le groupe Shanks jouera tout à l'heure à 17h30 sur la scène de ce festival BD à Saint-Ouen. Merci beaucoup Loïc. Merci pour votre accueil. Mais avec grand plaisir, et on est bien sûr que les auditeurs qui sont au volant de leur voiture ou chez eux, ils vont prendre la direction de Saint-Ouen-les-Vignes pour venir voir tout ce qui se passe. Cliquez à droite. N'est-ce pas ? Merci à vous. Vincent, je me tourne de nouveau vers toi, puisque tout à l'heure on t'a coupé l'herbe sous le pied. Tu n'as pas pu passer le morceau que tu avais prévu. Quel était-il ? Tout à fait. Alors, ce morceau, c'est donc petit récapitulatif, c'est l'adaptation. C'est un film Old Boy adapté du manga du même nom, qui a été réalisé en 2003. Et je ne vais pas écorcher les noms. Qui est l'adaptation du manga du même nom ? De Nobuaki Minegishi et Garon Tsuchiya. Ah oui, 87. Alors non, là, il ne s'agissait pas d'écorcher ces noms-là quand même. Voilà, effectivement. Et vous connaissez les garçons ? Non, pas du tout. Non, comme je disais tout à l'heure, je lis pas trop de manga. J'ai quelques carences. Alors, j'aime bien le manga, mais j'ai carences. Old Boy, oui, mais après, j'aurais pas pu en dire plus. Et pour la petite anecdote, je m'en suis rendu compte, enfin j'ai appris ça en faisant des recherches, c'est aussi ce manga est adapté indirectement du conte de Monte Cristo. C'est une tiens des donc. Inspirations. Bah voilà, c'est très d'actualité en plus. Tout à fait. Eh bah Pierre Ninet, toi qui nous écoutes, celle-ci elle est pour toi. Et du coup le morceau c'est The Last Waltz, donc la dernière valse. Tu es bilingue. Radio Active.